Chapitre 15. La mort du petit David. Le 6 mars 1814, à Phalsbourg, nous venions de souper comme à l'ordinaire, et le sergent Troubert, qui logeait chez nous depuis le commencement du blocus, assis près de la fenêtre, les jambes croisées, nous avait regardés sans rien dire, en fumant sa pipe. C'était l'heure où le bombardement commençait. On entendait les premiers coups de canon derrière le fond de Fiquet. Un coup de canon à l'avancée venait de leur répondre. Cela nous avait en quelque sorte réveillés, car nous étions tout pensifs. « Père Moïse, me dit le sergent, les enfants sont pâles. »« Je le sais bien, sergent, lui dis-je avec une grande tristesse. » Il ne dit plus rien. Et comme ma fille Zephan, la mère des deux petits, venait de sortir pour pleurer, il prit David sur ses genoux et le regarda longtemps. Sorley, ma femme, tenait Esdras endormi dans ses bras. Zaphel, le dernier de mes fils, levait la nappe et roulait les serviettes pour les mettre dans l'armoire. « Oui, dit le sergent, il faut y prendre garde, père Moïse. Nous causerons de ça plus tard. » Je le regardais tout surpris. Il vida sa pipe au bord du poêle et sortit en me faisant signe de le suivre. Zephan rentrait. Je lui pris la chandelle dans la main. Le sergent me conduisit dans sa petite chambre au fond de l'allée. Il ferma la porte et s'assit au pied de son lit en me disant « Père Moïse, ne vous effrayez pas, mais le typhus vient d'éclater en ville. 5 soldats sont entrés ce matin à l'hôpital. Le commandant de place Moulin est pris. On parle aussi d'une femme et de 3 enfants. » Il me regardait. Je me sentais tout froid. « Oui, fit-il, cette maladie-là, je la connais depuis longtemps. Nous l'avons eue en Pologne, en Russie, après la retraite, en Allemagne. Elle vient surtout de la mauvaise nourriture. » Alors je ne pus m'empêcher de crier en sanglotant. « Eh, mon Dieu, que voulez-vous que j'y fasse? Si je pouvais donner ma vie pour mes petits-enfants, tout serait bien. Mais que voulez-vous que j'y fasse? » « Demain, père Moïse, je vous apporterai mon bon de viande, » dit le sergent. « Et vous ferez du bouillon pour les enfants. Madame Sorley pourra toucher le bon à la halle, ou, si vous aimez mieux, j'irai moi-même. Vous aurez tous mes bons de viande fraîche jusqu'à la fin du blocus, père Moïse. » En entendant cela, je fus tellement touchée que j'allais lui prendre la main en criant. « Sergent, vous êtes un brave homme. Mais vous, qu'est-ce que vous mangerez ?»« Ne vous inquiétez pas de moi. Le sergent Troubert n'a jamais manqué de rien. » Et comme je voulais le remercier, « Allons, bonne nuit, » fit-il en me reconduisant à la porte. « Tout ira bien. Dites à Madame Sorley que tout ira bien. » Je sortis en bénissant cet homme, et je racontai tout à Sorley, qui fut encore plus attendri que moi. Nous ne pouvions pas refuser, c'était pour les enfants, et depuis 8 jours, on ne trouvait plus que de la viande de cheval chez les bouchers. Le lendemain donc, nous eûmes de la viande fraîche, pour faire du bouillon à ces pauvres petits. Mais il était déjà trop tard. L'ange de la mort avait déjà marqué notre David. Ce qui me fait encore le plus de peine aujourd'hui, Fritz, c'est la manière dont la terrible maladie entra chez nous. Le 12 mars, les gens parlaient d'une quantité d'hommes, de femmes, d'enfants en train de mourir. On n'osait pas écouter. On se disait « Personne n'est malade dans notre maison. L'Éternel veille sur nous. » David, après souper, était venu s'arrondir dans mes bras, sa petite main sur mon épaule. Je le regardais. Il semblait bien assoupi. Mais les enfants ont toujours sommeil à la nuit. Esdras dormait déjà. Zaphel venait de nous souhaiter le bonsoir. Enfin, Zephan prit l'enfant et nous allâmes tous nous coucher. Cette nuit-là, les Russes ne tiraient pas. Le typhus était peut-être aussi chez eux. Je n'en sais rien. Vers minuit, nous dormions donc à la grâce de Dieu quand j'entends un cri terrible. J'écoute, et Sorley me dit « C'est Zephan !» Aussitôt je me lève, je veux allumer la lampe. J'étais dans le trouble, je ne trouvais plus rien. Sorley fit de la lumière, je tirai mon pantalon et je courus à la porte. Mais à peine dans l'allée, Zephan sort de la chambre comme une folle, ses grands cheveux noirs défaits. Elle me crie « L'enfant !» Sorley me suivait. Nous entrons, nous nous penchons sur le berceau. Les deux enfants semblaient dormir. Esdras tout rose, David blanc comme la neige. D'abord, je ne voyais rien à cause de l'épouvante, mais ensuite je pris David pour l'éveiller. Je le secouai, criant « David !» Et seulement alors nous vîmes qu'il avait les yeux ouverts et retournés. Zeffen criait « Éveillez-le ! Éveillez-le !» Sorlé, me le prenant des mains, dit « Donne ! Fais du feu, chauffe de l'eau !» Et nous le posâmes sur le lit, en travers, en le secouant et en l'appelant. Le petit Esdras pleurait. « Allume du feu !» me répéta Sorlé. « Et toi, Zeffen, sois plus calme ! Ces cris ne servent à rien. Vite, vite, du feu !» Mais Zeffen ne cessait de crier. « Mon pauvre enfant !»« Il va se réchauffer, » dit Sorlé. « Seulement, Moïse, dépêche-toi de t'habiller. Cours chez le docteur Steinbrenner. » Elle était plus pâle, plus effrayée que nous, mais l'esprit n'a jamais abandonné cette brave femme, ni le courage. Elle avait fait du feu. Le fagot pétillait dans la cheminée. Alors je courus mettre ma capote, et je descendis en pensant « Que le Seigneur ait pitié de nous. Si l'enfant meurt, je ne lui survivrai pas. Non, c'est lui que j'aime le plus. Je ne pourrai pas lui survivre. Car tu sauras, Fritz, que le plus malheureux, le plus en danger de nos enfants est toujours celui qu'on aime le plus. Il en a le plus besoin. Nous oublions les autres. L'Éternel a voulu cela sans doute pour le plus grand bien. Je courais déjà dans la rue. On n'a jamais vu de nuit plus sombre. Le vent du Rhin soufflait, la neige en poussière volait. Quelques fenêtres, éclairées de loin en loin, montraient les maisons où l'on veillait des malades. J'avais la tête nue et je ne sentais pas le froid. Je criais en moi-même. Voici le dernier jour, ce jour dont l'Éternel a dit, avant la moisson, quand le bouton sera dans sa fleur, et que la fleur se changera en grappe près de mûrir, je le retrancherai. Je couperai ses branches avec ma serpe. Elles seront foulées aux pieds. Dans ces pensées effrayantes, je traversais la grande place où le vent secouait les vieux ormes pleins de givre. Sur le coup d'une heure, je poussai la porte du docteur Steinbrenner. Sa grosse poulie grelottait dans le vestibule. Comme j'allais à tâtons cherchant la rampe, la servante parut avec une lumière en haut de l'escalier. « Qui est là ? » fit-elle en avançant sa lanterne. « Ah ! » lui répondis-je. « Que monsieur le docteur arrive bien vite, nous avons un enfant malade, bien malade. » Et je ne pus retenir mes sanglots. « Montez, monsieur Moïse, » me dit cette fille. « Monsieur vient de rentrer, il n'est pas encore couché. Montez un instant, réchauffez-vous. » Mais le père Steinbrenner avait tout entendu. « C'est bien, Thérèse, » dit-il en sortant de sa chambre. « Entretenez le feu, dans une heure au plus je serai de retour. » Il avait déjà remis son grand tricorne et sa houppelande en poil de chèvre. Nous traversâmes la place sans rien nous dire. Je marchais devant. Quelques minutes après, nous montions notre escalier. Sorlé avait placé une chandelle au haut des marches. Je la pris et je conduisis M. Steinbrenner à la chambre de l'enfant. En entrant, tout paraissait plus calme. Zeffen, assise dans le fauteuil derrière la porte, la tête sur ses genoux et les épaules nues, ne criait plus. Elle pleurait. L'enfant était dans le lit. Sorlé, debout à côté, nous regardait. Le docteur posa son chapeau sur la commode. « Il fait trop chaud ici, » dit-il. « Donnez un peu d'air. » Ensuite, il s'approcha du lit. Zeffen s'était levé, pâle comme une morte. Le médecin, ayant pris la lampe, regarda notre pauvre David. Il leva la couverture et sortit ses petites jambes encore toutes rondes. Il écouta la respiration. Esdras s'était remis à pleurer. Il se retourna et dit « Sortez l'autre enfant de cette chambre. J'ai besoin de calme. Et puis l'air des malades n'est pas bon pour de si petits enfants. » Il me regardait de côté. Je compris ce qu'il voulait dire. C'était le typhus. Je regardais ma femme, elle le comprenait aussi. En ce moment, je crus qu'on m'arrachait le cœur. J'aurais voulu gémir, mais Zeffen était là, derrière nous, qui se penchait, et je ne dis rien, ni Sorlé non plus. Le docteur ayant demandé du papier pour écrire sa prescription, nous sortîmes ensemble. Je le conduisis dans notre chambre, et la porte étant refermée, je me mis à sangloter. Il me dit « Moïse, vous êtes un homme, ne pleurez pas. « Songez que vous devez l'exemple du courage à deux pauvres femmes. » Je lui demandais tout bas, dans la crainte d'être entendue. « Il n'y a donc plus d'espoir ? » C'est le typhus, dit-il. Nous ferons ce que nous pourrons. Tenez, voici la prescription. Allez chez Tribolin, son garçon veille toutes les nuits maintenant. Il vous donnera cela. Dépêchez-vous, et puis, au nom du ciel, faites sortir l'autre enfant de cette chambre, et votre fille, si c'est possible. Tâchez d'avoir des personnes étrangères, des gens habitués aux malades. Le typhus se gagne. Je ne répondis rien. Il reprit son chapeau et s'en alla. Maintenant, que puis-je te dire encore? Le typhus est une maladie engendrée par la mort elle-même. C'est en parlant d'elle que le prophète s'est écrié. Le sépulcre s'est ému à cause de toi pour aller à ta rencontre. Combien j'en avais vu mourir du typhus dans nos hôpitaux, sur la côte de Saverne et ailleurs. Quand les hommes se déchirent sans pitié, pourquoi la mort ne viendrait-elle pas à leur aide? Mais ce pauvre enfant, qu'avait-il fait pour mourir si tôt? Voilà, Fritz, ce qu'il y a de plus épouvantable. Il faut que tous expient le crime de quelques-uns. Oui, quand je pense que mon enfant est mort de cette peste, amenée par la guerre du fond de la Russie jusque chez nous, et dont toute l'Alsace et la Lorraine ont été ravagées 6 mois, au lieu d'accuser l'Éternel comme font les impies, j'en accuse les hommes. Dieu ne leur a-t-il pas donné la raison? Et quand ils ne s'en servent pas, quand ils se laissent exciter bêtement les uns contre les autres par quelque mauvais sujet, en est-il cause? Mais à quoi servent les idées justes quand on souffre? Je me souviens que la maladie dura 6 jours, et ces jours-là sont les plus cruels de ma vie. J'avais peur pour ma femme, pour ma fille, pour Zafl, pour Esdras. J'étais assis dans un coin, j'écoutais l'enfant respirer. Quelquefois, il avait l'air de ne plus respirer du tout. Alors un froid me passait sur le corps. Je m'approchais, je prêtais l'oreille. Et quand par hasard Zephon arrivait malgré la défense du médecin, j'entrais dans une sorte de fureur. Je la poussais dehors par les épaules en frémissant. Elle me disait « Mais c'est mon enfant! C'est mon enfant !» Et je lui répondais « Et toi, n'es-tu pas aussi mon enfant? Je ne veux pas que vous mouriez tous !» Après cela, je fondais en larmes. Je tombais assis, regardant devant moi, sans force. J'étais épuisé de douleur. Sorle allait, venait dans la chambre, les lèvres serrées. Elle préparait tout, elle veillait à tout. Dans ce temps, le musc était le remède du typhus. La maison était pleine de musc. Souvent, l'idée me prenait qu'Esdras allait être aussi malade. Ah, si le plus grand bonheur en ce monde est d'avoir des enfants, quelle douleur de les voir souffrir! Quelle épouvante de penser à leur perte, d'être là, d'entendre leurs respirations pressées, leurs délires, de reconnaître leur dépérissement d'heure en heure, de minute en minute, et de s'écrier au fond de son âme « La mort approche, il n'y a plus rien, rien pour te sauver, mon enfant. Je ne puis te donner ma vie, la mort n'en veut pas. » Quel déchirement et quelles angoisses jusqu'à la dernière seconde où tout se tait. Alors Fritz, l'argent, le blocus, la famine, la désolation générale, tout était oublié. C'est à peine si je voyais le sergent entr'ouvrir chaque matin notre porte et se pencher en demandant « Eh bien, père Moïse, eh bien !» Je ne sais ce qu'il nous disait, je n'y faisais pas attention. Mais ce qui me revient pourtant avec satisfaction, ce qui fait toujours mon orgueil, c'est qu'au milieu de cette désolation où Sorlé, Zephon et moi, tout le monde, nous perdions la tête, où nous oublions les affaires, où nous laissions tout aller à l'abandon, le petit Zafl prit tout de suite la direction du commerce. Chaque matin, nous l'entendions se lever à 6 heures, descendre, ouvrir le magasin, monter une ou deux cruches d'eau-de-vie et servir les pratiques. Personne ne lui avait dit un mot de cela, mais Zafl avait l'âme du commerce. Et si quelque chose était capable de consoler un père dans de pareils malheurs, ce serait de se voir revivre en quelque sorte dans un enfant si jeune, de se reconnaître et de penser « Au moins, la bonne race n'est pas perdue. Il en reste toujours pour conserver le bon sens dans ce monde. Oui, c'est la seule consolation qu'un homme puisse avoir. » Notre Shabbos Goyé faisait la cuisine. Shabbos Goyé signifie servante. Et la vieille Lanche nous aidait à veiller. Mais le commerce reposait en Zafl seul. Sa mère et moi, nous ne songions qu'à notre petit David. Il mourut dans la nuit du 18 mars. Le jour où l'incendie éclata dans la maison du capitaine Cabanier. Cette même nuit, 2 obus tombèrent sur notre maison. Le blindage les fit rouler dans la cour et tous deux éclatèrent en brisant les fenêtres de la buanderie et démolissant la porte du bûcher qui s'écroula d'un coup avec un fracas horrible. C'est le plus grand bombardement que la ville ait eu à supporter pendant ce blocus, car aussitôt que les ennemis virent remonter le feu, ils tirèrent au-dessus de Mittelbrunn des baraques d'en haut et du fond de Fiquet pour empêcher les gens de l'éteindre. Moi, je restais tout le temps avec Sorley, près du lit de l'enfant, et le bruit des obus en éclatant ne nous fit rien. Les malheureux ne tiennent plus à la vie. Et puis l'enfant était si mal, il avait des plaques bleues sur tout le corps. La faim approchait. Je me promenais dans la chambre. Dehors, on criait « Au feu ! Au feu !» Les gens passaient comme un torrent dans la rue. Nous entendions ceux qui revenaient de l'incendie donner des nouvelles, et les pompes à courir, les soldats ranger la foule à la chaîne, les obus éclater à droite et à gauche. Devant nos fenêtres, de longues traînées de flammes rouges descendaient par-dessus les toits du quartier en face et battaient les vitres. Nos canons répondaient à l'ennemi tout autour de la ville. De temps en temps, on entendait crier « Place ! Place !» C'étaient les blessés qu'on emportait. Deux fois, des piquets montèrent jusque dans notre chambre pour me mettre dans la chaîne. Mais, en me voyant assis près de l'enfant avec Sorley, ils redescendirent. Le premier obus éclata chez nous vers 11 heures, le second à 4 heures du matin. Tout grelottait, des greniers à la cave. Le plancher, le lit, les meubles étaient comme soulevés. Mais, dans notre épuisement et notre désespoir, nous ne dîmes seulement pas un mot. Zeffen accourut avec Esdras et le petit Zaffel au premier obus. On voyait que David allait mourir. La vieille Lanche et Sorley, assises, sanglotaient. Zeffen se mit à crier. J'ouvris la fenêtre tout au large pour donner de l'air, et la fumée de poudre dont la ville était couverte entra dans la chambre. Zaffel vit tout de suite que l'heure approchait. Je n'eus besoin que de le regarder. Il sortit et revint bientôt, malgré la foule, par une rue détournée, avec le chantre Calmes, qui se mit à réciter la prière des agonisants. L'Éternel règne, l'Éternel a régné, a régné. L'Éternel règnera partout et à jamais. Loué soit partout et à jamais le nom de son règne glorieux. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Écoute Israël, notre Dieu l'Éternel est un. Va donc, le Seigneur t'appelle, va et que sa miséricorde t'assiste. Que l'Éternel notre Dieu soit avec toi, que ses anges immortels te conduisent jusqu'au ciel et que les justes se réjouissent quand le Seigneur t'accueillera dans son sein. Dieu de miséricorde, reçois cette âme au milieu des joies éternelles. Moi et Sorley, nous répétions ces paroles saintes. Zeffen, comme morte, était couché, les bras étendus en travers du lit, sur les pieds de son enfant. Son frère Zaffel, derrière, pleurait à chaudes larmes en l'appelant tout bas. Zeffen, Zeffen. Mais elle ne l'entendait pas. Son âme était perdue dans les douleurs infinies. Dehors, les cris « Au feu !» Les commandements des pompes, le tumulte de la foule, le roulement de la canonnade continuaient. Les éclairs, coup sur coup, remplissaient les ténèbres. Quelle nuit, Fritz, quelle nuit! Tout à coup, Zaffel, s'étant penché sous le rideau, se retourna tout épouvanté. Ma femme et moi, nous courûmes et nous vîmes la mort de l'enfant. Nous levâmes les mains en éclatant en sanglots. Le chantre cessa de psalmodier. Notre David était mort. Le plus terrible, c'est le cri de la mère. Elle était étendue, comme évanouie. Mais quand le chantre, se penchant, referma la lèvre et dit « Amen », elle se releva, prit le petit, regarda, et puis, le levant au-dessus de sa tête, elle se mit à courir vers la porte en appelant son mari et criant d'une voix déchirante « Baruch ! Baruch ! Sauve notre enfant !» Elle était folle, Fritz, et moi, dans cette dernière épouvante, je l'arrêtais. Je lui repris par force le petit corps qu'elle voulait emporter, et Sorley, l'entourant de ses bras avec des gémissements sans fin, la mère Lanche, le chantre Zaffel, tous l'entraînèrent dehors. Je restai seule, et j'entendis les gens descendre, entraînant ma fille. Comment un homme peut-il supporter de si grandes douleurs? Je remis David dans le lit, et je le couvris à cause des fenêtres ouvertes. Je savais bien qu'il était mort, mais il me semblait qu'il aurait froid. Je le regardais longtemps sans pleurer, pour garder dans mon cœur cette jolie figure. Tout se déchirait là, tout. Je sentais comme une main m'arracher les entrailles et dans ma folie, j'accusais l'Éternel. Je lui disais, « Je suis l'homme qui a vu l'affliction par la verge de ta fureur. Certainement, tu t'es tourné contre moi. Tu as fait vieillir ma chair et tu as brisé mes os. Tu m'as plongé dans les ténèbres. Même quand je crie et que je frémis, tu rejettes ma prière. Tu es pour moi comme un lion qui se tient dans ses cavernes. » Ainsi, je me promenais en gémissant et même en blasphémant. Mais le Dieu de miséricorde m'a pardonné. Il savait bien que ce n'était pas moi qui parlais, mais mon désespoir. Je m'assis à la fin. Les autres revenaient. Sorlé s'assit près de moi en silence. Zaphel me dit, « Zéphen est chez le Rebbe, avec Esdras. » Je ne lui répondis pas et me couvris la tête. Ensuite, quelques femmes, avec la vieille Lanche étant arrivées, je pris Sorlé par la main et nous entrâmes dans la grande chambre sans prononcer une parole. La vue seule de cette chambre, où les deux petits frères avaient joué si longtemps, me fit encore répandre des larmes. Et Sorlé, Zaphel et moi, nous pleurâmes ensemble. La maison se remplissait de monde. Il pouvait être 8 heures, et l'on savait déjà que nous avions un enfant mort. Alors Fritz commencèrent les funérailles. Tous ceux qui mouraient du typhus devaient être enterrés le jour même, les chrétiens derrière l'église et les juifs dans les fossés de la place, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le manège. Les vieilles étaient déjà là pour laver le pauvre petit être, pour le peigner et lui couper les ongles, selon la loi du Seigneur. Quelques-unes cousaient le linceul. Les fenêtres ouvertes laissaient passer le vent, les volets battaient les murs. Le chamas, le bedeau, se promenait dans les rues, frappant les portes de son marteau pour réunir nos frères. Sorlé s'assit à terre, la tête voilée, et moi, entendant des marais monter, j'eus encore le courage d'aller à sa rencontre et de lui montrer la chambre. Le pauvre ange était dans sa petite chemise, sur le plancher, la tête relevée par un peu de paille, et le petit halète dans ses doigts. Il était redevenu si beau avec ses cheveux bruns et ses lèvres entr'ouvertes qu'en le voyant, je pensais, l'Éternel a voulu t'avoir près de son trône. Et mes larmes coulaient sans bruit, ma barbe en était pleine. Desmarais prit donc la mesure et s'en alla. Une demi-heure après, il revenait, le petit cercueil de sapin sous le bras, et la maison fut de nouveau remplie de gémissements. Je ne pus voir clouer l'enfant. J'allais m'asseoir sur le sac de cendres, couvrant ma figure des deux mains et criant en moi-même, comme Jacob. Certainement, je descendrai avec cet enfant au sépulcre. Je ne lui survivrai pas. Bien peu de nos frères arrivèrent, car l'épouvante était en ville. On savait que l'ange de la mort passait et que les gouttes de sang pleuvaient de son épée dans les maisons. Chacun vidait l'eau de sa cruche sur le seuil et rentrait vite. Mais les meilleurs arrivèrent pourtant en silence, et vers le soir, il fallut partir et descendre par la poterne. Sorlé n'avait pu me suivre, ni Zéphane. J'étais seul pour jeter la pelletée de terre. Et les forces m'abandonnèrent. Il fallut me ramener jusqu'à notre porte. Le sergent me soutenait par le bras. Il me parlait et je ne l'entendais pas. J'étais comme mort. Tout ce qui me revient encore de ce jour épouvantable, c'est le moment où, rentré chez nous, assis sur le sac, devant notre âtre froid, les pieds nus, la tête penchée et l'âme dans les abîmes, le chamas s'avança près de moi, me toucha l'épaule et me fit lever, et que, sortant son couteau de sa poche, il me fendit l'habit en le déchirant jusqu'à la hanche. Ce coup fut le dernier et le plus terrible. Je retombais, murmurant avec Job. Que le jour où je naquis périsse, et la nuit en laquelle il fut dit un homme est né, que les nuées obscures demeurent sur lui, qu'on l'ait en horreur comme un jour d'amertume, car le deuil, le grand deuil n'est pas celui qui descend du père à l'enfant, mais celui qui remonte de l'enfant au père. Pourquoi m'a-t-on reçu sur les genoux, et pourquoi m'a-t-on présenté des mamelles? Maintenant je serai couché dans la tombe et je reposerai. Et ma douleur, Fritz, n'eut point de fin. Je m'écriai, que dira Baruch, et que lui répondrai-je lorsqu'il me redemandera son enfant? Le commerce ne me touchait plus. Zéphane vivait chez le vieux Rebbe. Sa mère passait les jours avec elle pour soigner Esdras et la consoler. Tout était ouvert dans la maison. La Shabbat goyée brûlait du sucre et des piments, et le vent du ciel entrant partout purifiait l'air. Zaphel vendait. Moi, le matin, devant l'âtre, je faisais cuire quelques pommes de terre. J'en mangeais avec un peu de sel, et puis je m'en allais, oubliant tout comme un malheureux. J'errais tantôt à droite, tantôt à gauche, du côté de l'ancienne gendarmerie, autour des remparts, aux endroits détournés. La vue des gens me faisait mal, surtout de ceux qui avaient connu l'enfant.